C'est moi le lutin pop avec tous mes amis. Chacun son champignon, on s'assoit et on rit. Moi, Pipolette, je ne me tais jamais. Et moi, mon nom, c'est Dors Debout, je dors toute la journée. Je m'appelle Bric et je suis bricoleur. Je travaille vite, mais si tu veux, je le fais avec lenteur. Allez les gars, sifflez. Sifflez? Je suis trop fatigué pour siffler. Mais siffle donc. Mais oui, sifflez quoi? Oh, vous êtes une bande de fainéants. J'aime trop les biscuits plop, j'en prépare tous les jours. À celui qui en veut, j'en propose toujours. Moi, j'aime danser et aussi la musique. J'aime faire des blagues à mes copains, j'en ris, c'est fantastique. Sous mon bonnet, au moins je suis au sec. Mais quand j'ai peur, mes deux oreilles se relèvent aussi sec. Je vais te dire quelque chose. Non, c'est moi qui vais te dire quelque chose. Tu dois siffler comme les autres. Et moi, je n'ai pas bien sifflé? Ah, il faut dire que je suis le meilleur siffleur de toute la troupe de lutins, n'est-ce pas? Oh, mais quoi encore? Ben quoi, c'est pas vrai? C'est pas vrai que je suis le meilleur siffleur? Je suis le meilleur siffleur de toute la troupe de lutins. Parce que je suis moi le meilleur siffleur. Arrêtez de vous disputer, car c'est à moi de chanter. Si vous avez envie de voir de près ma barbe, suivez donc ce chemin qui court entre les arbres. Je ferai du lait et des biscuits tout chauds. Moi je ne dormirai pas et ça je le proclame bien haut. On fera la fête, ce sera merveilleux. Car Plop sera aux platines et les platines c'est les dieux. Dors debout. Oh, mais mon Dieu, c'est endormi. Oh oui, ça je l'entends. Réveille-toi. Ah non, impossible de le réveiller. Oh, laissez-le dormir tranquille. De toute manière, la chanson est terminée.